Salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venu l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento. Ce soir, on va faire très très simple. On vous passe nos derniers petits kiffs du moment. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir autour de cette table et au micro Tim, alias Marcel Bagnol. Un grand bonsoir. Maxime, alias Pardon. Voilà, merci beaucoup. Alias Orlando Broom. Yes, salut les gars, salut tout le monde. Vous irez écouter l'épisode précédent sur Spotify. Nicolas, alias DJ Dominique Demoulin. Merci pour cet hommage. Et moi-même, Arthur. Des découvertes récentes, même si le morceau a déjà de l'âge, des tracks réellement récentes, pas de limite de style. Que du plaisir, c'est le Memento, tout de suite, sur Radio Panique. Marc Rébillet, ce DJ de génie qui fait maintenant des lives autour du monde assez sympathique, vous irez voir sur YouTube. C'était ton idée, Nicolas, raconte-nous un peu le pourquoi de... Oui, petite chanson très stylée, un peu calme et représentative d'une des mille et une facettes, je pense, de ce type. C'est même peut-être pas la facette la plus représentative de ce qu'il fait au final. Marc Rebillet, donc, connu, je pense, initialement sur YouTube. Il a commencé à faire des lives et en même temps des enregistrements chez lui, dans sa chambre, dans sa cuisine. Et il utilise, comme pas mal de gens, la Loopstation pour faire des instrus de ce style-là, parfois beaucoup plus what the fuck. Sa petite plus-value, c'est qu'il chante aussi sur ses chansons, il chante bien, et il a un petit talent quand même spécial, c'est l'improvisation. Il improvise sur le moment des textes, que ce soit en live ou que ce soit chez lui, et ça a toujours de la gueule. Et je vous conseille vivement de vous perdre sur sa chaîne YouTube, il y a des dizaines et dizaines de lives de lui, soit en façon best-of où il met les meilleurs moments de son live de 1h, 1h30, soit des versions complètes qui sont vraiment toutes assez incroyables. Il y a toujours au moins un ou deux moments vraiment épiques dans ses lives, et dont on profite vraiment quand on regarde du début à la fin. Donc franchement, Marc Rebillet, petite découverte pour moi. Je sais que ça fait déjà quelques années qu'il commence un peu à se faire connaître, notamment sur les réseaux sociaux. Je l'ai découvert assez tard, mais avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, Marc Rebillet. Je connaissais pas, mais ça m'a donné envie d'aller... Ouais, on a écouté juste avant off, on a un petit morceau beaucoup plus what the fuck que ce qu'on vient d'écouter. Mais ça ressemblait pas du tout à ce qu'on vient d'écouter. Et c'est ça, il y a un peu tout dans ces lives, il y a un peu tout. C'est vrai qu'il y a des moments un petit peu plus gentils, des moments un petit peu plus violents. Je voulais découvrir les petits moments violents chez vous, tranquillement, dans votre chambre, avec vos potes. Franchement, très sympa. La suite, un peu rock, je pense. Ouais. Ah, oh, buddy, c'est moi, mais je te pose une question, mais je ne t'allume pas. Oh, arrête de m'allumer, dis donc. Allez. Là, on part sur du vrai rock. On est sur quelque chose que moi j'aime énormément, c'est un peu, en fait il y a un énorme retour du rock en Angleterre et en Irlande notamment. Et là je vais vous présenter Squid, c'est un groupe de Brighton, donc Squid qui veut dire calamar, voilà, pour la petite info. Donc pourquoi est-ce qu'ils s'appellent calamar, j'en sais rien du tout, mais c'est un groupe qui vient de Brighton, et en fait ils sont vraiment dans cette veine retour de rock un peu balèque, anti-Brexit, gros truc de guitare dans tout ce qui est... J'avais passé un Fontaines D.C. La dernière fois, et c'est vraiment dans la même veine, les groupes genre Idols, Fontaine's DC, Murder Capital qui passe au BOTA dans quelques semaines, organisé par Gutmedisk. Ça va être assez incroyable. Et donc voilà, c'est vraiment les kids du rock un petit peu. Je vous propose d'écouter du coup Squid avec un morceau qui s'appelle Match Bet. Et voilà, c'est vraiment ce gros retour de guitare. Donc allez foncer là-dessus sur tous ces groupes-là, Shame, Fontaine's DC et compagnie. C'est vraiment le retour du rock contre le rap. Allez-y, parce qu'en Angleterre, il n'y a pas que du grime, donc fonçons. Drives away, follows you back home. shining. I'm a white light, blind and bright, burning off and on. I'm a brand new sky to hang the stars upon tonight. I'm a little divided. Do I stay or run away? Leave it all behind. Foo Fighters avec Time Like These en petite version acoustique qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça dans un de leurs albums. Ils sortent beaucoup de choses, j'ai pas tout suivi de leur actualité, mais beaucoup d'albums avec beaucoup de chiffres dedans, j'ai pas tout compris. Mais en bref, il y a plein de chansons à se mettre dans les oreilles, dont cette petite reprise. J'avoue que comme le thème de l'émission c'était les kiffs du moment, j'ai pas hésité longtemps, quoique j'ai quand même un peu hésité parce qu'on avait que 3 chansons par personne et que bah, ça fait un mois de petits trucs qu'on se met sous les oreilles. Mais bon, bref, ouais, moi ça m'a fait découvrir un peu cette version, donc j'ai bien kiffé. Et bah j'avoue que j'ai un peu grillé la priorité de droite à Max, ouais, qui était censé passer le morceau d'après. Bon bref, on s'est mal compris, mais du coup c'est à toi. Je le prends pas mal. Et toi tu nous fais un peu voyager dans le temps je pense, Max. Ouais, on part dans les années 70 et je vais vous parler d'une femme qui s'appelle Candy Staten, que je ne connaissais absolument pas, donc je ne vais pas savoir vous en parler énormément. T'as pas préparé un petit texte? Non, mais vraiment, je ne la connais pas. J'ai regardé pour l'émission juste mon Shazam et ce que j'avais découvert vraiment dans les derniers jours, les dernières semaines. Et elle faisait partie des 2 ou 3 dernières découvertes. Et en fait, je suis parti ici au Portugal ces 2 dernières semaines et je me suis baladé dans un magasin et par hasard, je suis tombé sur cette chanson-là. Et je l'ai tellement adorée, je me suis dit, qui sait, j'ai juste lancé mon Shazam et depuis j'arrête pas de l'écouter. Donc ça fait une petite semaine que j'arrête pas d'écouter cette chanson là et je l'adore. Voilà. Donc c'est une vraie découverte. C'est une véritable découverte d'il y a une semaine et que j'écoute en boucle. Ok. Oh, c'est groovy en plus, putain. Ouais, à fond.

Lucky Chops, ce brass band de New York pour le coup, avec leur son qui s'appelle Traveler. Et je vous propose aussi d'aller chercher sur YouTube ce même son en live qui sonne vachement différent, assez beaucoup plus sec, un petit peu moins James Bond, un peu bourré, mais voilà, les deux versions ont grandement leur charme. Lucky Chops, ils font plein de reprises de grands classiques de la pop, parfois un peu too much, mais ils ont manifestement, vu les lives, une énergie assez balèze. Et ça, c'est une reprise ou pas, du coup ? Je crois pas. D'accord. Mais je ne me suis pas assez renseigné pour te donner une réponse. Génial. Tout à fait. De quelle année date ce morceau, Arthur ? Combien sont-ils ? Qui est au trombone ? Wikipédia ! Bon, en tout cas, c'est clair que j'ai toujours eu un peu de mal avec les brass bands en version enregistrée studio, parce que ouais. C'est toujours un peu... soit ils essayent de recréer un truc live, mais ça sonne pas top, soit ils essaient de mettre la plus-value du studio en rajoutant des effets, ce genre de choses, mais... Ça manque le côté massif et côté voilà. Un peu bordélique qui fait l'identité du truc. C'est ça. Un brass band, a priori, ça se consomme en live quand on peut danser, quand on peut, ouais. Quand on peut boire un coup et qu'on se mange toute la puissance du groupe dans la tronche. C'est quand même assez intéressant. C'est bien dit. C'est très bien beau. Tim, moi, je vous propose un truc qui n'a absolument rien à voir, mais j'aimerais juste revenir sur le morceau d'avant, sur le Young Heart. C'était ça, ouais, Young Love, ça. Ou je ne sais plus. Ah, oui. T'as kiffé ? Ouais, parce que moi j'ai absolument kiffé, j'ai retrouvé le refrain et en fait je me suis rendu compte que je connaissais une version qui est dans Roméo plus Juliette de 1996 avec le beau gosse qui maintenant a 50 ans et qui fait l'amour à des filles de 20 ans. Alors, qui n'est pas Orlando Bloom, mais DiCaprio. DiCaprio, voilà. Et voilà. Je n'ai pas vu ce film, il faut absolument que je le voie. Ça défonce vraiment, très chouette. Très bien. Très et donc voilà. Et super gros coup de cœur pour cette croisière s'amuse. Disco. On s'est amusé, on a sorti les slips de bain dans le studio et tout. Il fait un peu froid, donc on a remis nos pantalons. La barre est haute, vas-y, fais mieux. Pour la suite. La barre est haute, d'accord. Ouais, je crois que tu parlais encore sur les slips de bain et tout. Oh non. Je vais pas du tout rebondir sur ça parce qu'en fait, moi je propose, en parlant de marée. Je vais essayer de faire une transition. Un morceau de rap de Maes, qui ne s'appelle pas Mas, qui est un mec du 9-3, et non pas du 9-2. Léo de Seine, comme on a. Mais non, du coup, c'est Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, du coup, pardon. Un mec de Seine-Saint-Denis, mais pourquoi je parle de Marais ? Parce qu'il est en featuring avec Jules, Bram, un gars de Marseille, un gars de la Canebière. Et c'est sur l'album Les Derniers Salopards qui est sorti vendredi dernier, donc il n'y a même pas une semaine. Bon, attends, l'album de Maes. Non, c'est Maes, c'est pas Jules. Jules a sorti C'est pas des LOL il y a quelques semaines. Ça devrait être interdit par la loi d'appeler un album comme ça. Il est incroyable ce disque. Si on parle de Jules, ce serait pas l'occasion de faire le teasing du mois prochain. Qu'est-ce qui va se passer le mois prochain ? Je suis pas d'accord, moi. On l'avait annoncé, au dernier épisode qu'on ferait un épisode beauf, mais on n'a pas assez de beauf aujourd'hui. On n'est pas assez. Voilà. Donc on le fera l'épisode prochain, le 27 février, et on sera a priori 12 en studio, et c'est pas une expression, on sera littéralement 12 en studio. C'est pas des lol. C'est pas des lol. C'est vraiment pas des lol, ça va être très très drôle. Du coup, on va revenir à ce petit Maes et Jules, et moi je le prends pas du tout comme un morceau bof, en fait je me suis passionné pour Jules pour de vrai, voilà, donc bof, je le dis aujourd'hui. Bof, c'est ni bof ni bof, c'est parce que c'est okay. Excellent. C'est un morceau qui s'appelle Dybala, qui est en fait un clin d'œil au joueur de football Dybala du Juventus FC. Ils ont pas dû le payer très cher. Ah, trop drôle. Mais je pense d'ailleurs, parce qu'en fait, ils disent « Viens chercher ton Dybala ». Et en fait, je pense qu'à mon avis, je ne suis pas sûr, je suis pas un mec de Tessie. Mais je pense que c'est un truc en mode genre ton Dybala, genre ton truc de, voilà, de ton sachet d'herbe et autres, quoi. Joli. Donc voilà, c'est un morceau de Maes et Booba, putain. parce que j'ai failli passer Maes et Booba, mais j'ai hésité. Mais en fait, gros coup de cœur pour mon ami Jujul. Je fais le signe, mais ça se voit pas en radio. Et Maes, Jul, Dybala, ça part tout de suite, ça défonce. Sur un thé, on clique des filles à gauche de copine, je suis rassuré. T'es du mauvais côté du pont, je me suis levé mal luné. J'ai fait un trou dans les comptes, dans les pleurs et les rires. Je suis méfiant, je me confie pas. On s'était kiffé, Paul, je mérite. Si je t'aimais, ma jambe va se torcher. Je suis pas là, numéro 10 sur le raté. Dis pas là, bébé, m'attends pas cette note. Je suis pas là, numéro 10 sur le raté. Dis pas là. J'fais des hip-hop, ballon de peufra, Dibala. 10h minuit, viens pécho ton Dibala. J'fais des hip-hop, ballon de peufra, Dibala. 10h minuit, viens pécho ton Dibala. Audi noir, c'est la nuit, sur la A7, j'vois la lune. J'tire une barre, les pleins phares de 80 sur le bitume. J'suis avec ma petite, fais une petite balade. J'suis avec ma petite, fais une petite balade. J'vois les képis, j'cache la salade. J'vois les képis, j'cache la salade. Tout ce que j'ai vu si tu savais. Tout ce que j'ai vu si tu savais. Monte tous dessus, j'reste tout seul là. Tout seul, tout seul, tout seul. J'fume de la frappe, c'est de la Dibala. En dépit dans la voiture italienne. Quand j'ai besoin, t'es toujours pas là. Y'avait un bruit, j't'ai vu détaler. Ce que ça se fait pas juste pour Dibala. Ça t'appelle pas, ça veut plus te parler. C'est plein de cambutes, voilà l'étalage. Et ça regrette pas aux gens du palais. Me dis pas si gros, me dis pas ça. J'suis dans le taxi sous Mexicana. Bébé me dit où tu vas toi, t'es jamais là. Bébé me dit s'il y a des nanas, tu restes là. Bébé m'attends pas cette note, j'suis pas là. Numéro 10 sur le raté, dis pas là. Bébé m'attends pas cette note, j'suis pas là. Numéro 10 sur le raté, dis pas là. J'fais des passes, ballon de peufra, Dibala. 10h minuit, viens pécho ton Dibala. J'fais des passes, ballon de peufra, Dibala. 10h minuit, viens pécho ton Dibala. C'était Dibala avec Maes et Jules. Voilà, c'était un kiff perso. Je ne sais pas si vous avez kiffé parce que ouais, encore une blague sur les Dibala. Merci Arthur. Ce n'est pas du tout kiff. Beauf. Voilà. Donc, voilà, on vous prépare tout doucement. Et l'album de Maes qui est sorti il y a même pas une semaine, qui est excellent, dont le track Blanche avec Booba que je conseille très fortement. Et je sais qu'il est dans les tops de vente de ouf. Maes qui a explosé sa race. Voilà. Moquez-vous si vous voulez. La suite, on garde des gros kicks, Maxime. Ouais, on reste dans on va dans l'électro maintenant. Oui. Et je vais vous présenter un gars qui s'appelle French 79, je sais pas comment on dit, 79, 79. Et voilà, il a joué au Belga il y a quelques mois. Je l'ai découvert il y a quelques mois, donc c'est une découverte il y a plutôt plusieurs mois. Quelques mois, je dirais, oui. Il y a quelques mois. Non, mais vraiment électro. Trop bien, je sais pas comment le décrire. C'est un petit Frenchie de la vingtaine et il est vraiment cool. Ici, ce morceau qu'on va écouter, ça s'appelle Between the Buttons. Il a été utilisé pour la pub de Nike avec Kylian Mbappé et ils font. Et Dibala. Non, il est pas dedans. Et donc, putain. C'est juste sur Mbappé et c'est sur les nouvelles paires. Bref, la chanson elle passe trop bien sur cette publicité là en tout cas. Donc, ouais, on s'écoute French. 79, 79, 79 avec Between the Buttons. Reconner, c'était Radiohead issu de In Rainbows qu'on vient d'écouter. C'était ton choix, Arthur. Oui, j'aimais beaucoup. En fait, je suis tombé par hasard sur ce morceau. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas écouté et je laissais tourner Spotify et il m'a sorti ça. Et j'ai trouvé ça très cool. J'ai beaucoup aimé la batterie un peu jazz à l'intro et puis le truc qui se construit au fur et à mesure. Je trouvais ça vraiment cool. Et voilà. Et en off, on se disait que être en studio avec Radiohead, ça doit être assez fou parce que c'est quand même des purs génies. Et c'est pas toujours ce qu'il y a de plus drôle et funky, mais ils sont quand même assez balèzes parfois à sortir des trucs même techniquement. Il y a plein de vidéos là-dessus d'explications sur Radiohead, sur des rythmes très bizarres qu'ils font. Il y a plein de choses et ils poussent quand même la recherche assez loin. C'est toujours très intéressant. Et en parlant de batterie jazz et surtout de contrebasse, la suite, je voulais vous faire écouter Avishai Cohen, qui est donc un contrebassiste et compositeur israélien qui a fêté ses 50 ans en 2020, qui est passé à Beaux-Arts. Je l'ai pas vu, c'est un peu con. Voilà, il faisait une tournée 50 concerts dans 50 pays sur 5 continents. Donc c'était quand même un beau projet avec toujours une espèce d'ouverture culturelle pour la paix dans le monde, tout ça. Donc c'est quand même assez positif. Assez positif. Voilà. Et ce qui vient, moi, me fait penser à Garden Dog Barbecue de Gogo Penguin. Ouais. Voilà, un morceau un peu plus agressif, un peu plus carré, un peu plus anglais aigu. Comme ça, je sais pas comment. Je sais pas comment l'expliquer autrement. C'est ça. Et voilà, dans l'idée, Smash, Avishai Cohen, trio efficace. Okay, et moins anglais aigu du coup. Alors j'ai parlé d'un trio, mais comme vous l'avez entendu, il y a des cordes arabes genre un oud, et puis finalement ce solo de basse électrique qui vient se rajouter à ce morceau smash de Avishai Cohen. Avishai Cohen qui a donc commencé sa carrière dans les années 90, lancé par Chick Corea, quand même le grand pianiste assez fou. La suite, c'est une histoire grecque. Pardon, j'ai eu un petit moment d'absence. Oui. Tim, la suite, c'est une histoire grecque. Pourquoi grecque ? T'es papa Vassiliou. N'importe quoi, il s'appelle Pierre. Il est totalement français. On reste sur la Corée avec Chick Corea et un chanteur français qui n'est pas grec du tout. Oui, et mec qui s'appelle Chick Corea qui n'est pas du tout coréen. Très bien. Mais attends, c'est quoi le nom ? C'est Pierre ? Pierre Vassiliou. Vassiliou, bah, il est peut-être roumain. Peut-être roumain, c'est un chanteur français qui est décédé en 2014. Il a bien des origines quand même. Qui avait 76 ans. Et bah, très bien, oui, justement, parce qu'il propose un morceau un peu brésilien. Donc, parfait. On voyage. Nickel. Et en fait, ouais, pour la petite info, j'ai pas creusé énormément sur Pierre Vassiliou, mais c'est un mec qui a eu un petit succès dans les années 60, je crois, qui a eu genre un succès. Et après, qui a continué comme un ouf, qui est une des personnes qui a ramené le, comment dire, un petit peu comme Nino Ferrer, qui a ramené un peu le côté bossa, jazz, brésilien en France, et dont ce morceau qui s'appelle J'ai trouvé un journal dans le hall de l'aéroport, qui est un morceau que j'adore. Et en c'est fait, le titre, ça? Ouais, il s'appelle J'ai trouvé un journal dans le hall de l'aéroport. Putain, et en fait, il y a le label Born Bad Records, qui d'habitude font plutôt des trucs un peu punk et tout, et compagnie, genre La Femme JC Satan, le Vildrif Underground, nice. Que je vous ai passé il y a quelques temps. Et en fait, ces mecs-là ont réédité des compiles de Pierre Vassiliou, dont une compile s'appelle En Voyage. En fait, c'est que des morceaux, justement, avec des influx un peu brésiliennes et autres. Et donc voilà, Pierre Vassiliou qui a été oublié, qui ressort aujourd'hui grâce à la recherche incroyable de Born Bad Records. Et ce morceau, J'ai trouvé un journal dans le hall de l'aéroport. Voilà, ça fait voyager. Je vous propose un hommage à Pierre Vassiliou qui n'est pas grec. La bise. J'ai trouvé un journal dans le hall de l'aéroport. Je viens la chercher, elle m'a dit voilà à 10h. Je n'ai plus une seconde à moi, puisque je lui ai tout donné, tout donné. Qu'est-ce que j'ai fait encore de mon ticket de parking? J'ai dû le perdre tout à l'heure au lavatory. Si elle croit que je vais lui donner 10 centimes pour aller pisser, c'est râpé. On annonce que l'avion de Buenos Aires est arrivé. Je remonte en courant l'escalier. Je bouscule des filets, des hommes maquillés. Et je cours jusqu'à la porte. J'ai l'air. Les voyageurs qui sortent sont tous plus ou moins pressés. Dis-moi Carolina, pourquoi tu n'es jamais pressée? Déjà la semaine dernière, tu as dû sortir la dernière de l'avion. Je ne veux plus attendre encore, mes fleurs sont fanées. La Renault rouge qui est dans le hall commence à tourner. Elle rougit les vitres fumées, et je vois le Boeing entrer dans l'entrée. Je m'installe, le commandant me dit bonjour, comment ça va? Alors vous êtes enfin de retour. Plan de vol, regardez encore une fois comme le ciel est grand, car nous allons revenir dedans, dedans. Los Angeles approach control, this is Cessna 0281 Echo 1913, over. Cessna 81 Echo, Los Angeles approach control, roger, good. Cessna 81 Echo is over the Compton Airport, 52 at 5000, requesting a ground control approach to the Los Angeles Airport, over. 81 Echo, Los Angeles approach control, roger. For radar identification, turn right heading 030. Right heading 030 degrees, roger. 8 1 Echo Los Angeles, approach control and radar contact. Turn left heading 360, descend to 1700. Pas parce qu'on manque de bidou, mais on n'en aura jamais trop. C'est juste qu'il faudrait refaire les planchers en marbre rose importés super cher de nos condos à Orlando. Orlando. Puis y a le chauffeur de notre jet privé qui lui aussi aimerait avoir son propre chauffeur pour son jet privé. L'année passée, on s'est acheté chacun une Ferrari rouge. Une Ferrari rouge. Mais cette année, la tendance est au gris, pis on veut des Ferrari grises. Ça fait que dig it in, baby, pis achète dans nos records en sortant du show. C'est parce qu'on a des projets qui demandent d'avoir un peu de cash flow. On vient juste engager le fameux sculpteur Umberto Linguini pour décorer les jardins de nos vignobles en Italie. Italian wine me. Puis avoir les frais portuaires qu'on paye pour nos bateaux à Monaco à chaque année. Faudrait bien qu'on vende des CD. Tantôt en vous en retournant dans l'auto, puis que vous l'avez pas trop, vous pourrez aussi bien leur filer au beau-frère dans un échange de cadeaux. Ça fait que garoche-toi, baby, puis achète dans nos records en sortant du show. Sur la petite table à gauche dans le portique, quand tu ramasseras ton manteau. Acheter nos records, bleu jean bleu, un morceau qui fait à peu près l'unanimité ici, je pense. Très original, très drôle, très québécois, je suppose. Tout à fait. Très chouette. C'est à peu près la seule info que j'ai sur ce morceau. Je l'ai entendu à la radio, j'ai eu un peu comme vous maintenant, un petit coup de cœur, un petit coup de bonne humeur en écoutant ce titre, parce que c'est vrai qu'en général, quand il y a ce genre de groupe qui met l'accent sur des paroles comiques et ce genre de choses, ça, parfois ça laisse un petit peu tomber le côté musical. Mais là, je trouve que ça passe très très bien les deux ensemble. Il y a un côté où on s'identifie, il y a un côté très drôle, très second degré forcément, puis il y a un côté où on s'identifie à fond sur ce qu'il dit. Ouais, vous achèterez vos CD dans la petite échoppe au fond à gauche quand tu iras chercher ton manteau. Ça parle à tout le monde, on l'a déjà tous vu, et moi je trouve que c'est vraiment très drôle, très malin surtout de leur part de faire une chanson là-dessus. Et en plus, musicalement, elle pète, elle est hyper originale, moi j'adore, franchement. Ce qui m'étonne, c'est que tu l'as entendu sur la première, et que la première par ce genre de chanson, oui. C'est assez étonnant. En fait, il y a une émission musicale, et je crois qu'il y a une femme, j'ai complètement oublié son nom, à cette femme qui a une émission de musique début d'après-midi sur la première, je pense, et qui de temps en temps, même assez souvent, a de très très bons choix musicaux. Je suis un peu tombé dessus par hasard, d'où cette chanson, et donc à mon avis, ça mérite de se perdre sur les ondes de la première début d'après-midi. Ça doit être vers 2-3 heures, quelque chose comme ça, ou 3-4 heures. Ben voilà. Okay, donc, c'est bon. Je me renseignerai pour la prochaine fois pour avoir des infos concrètes, mais là, mec qui fait c'est de pas la promo le cas. Pour une autre chaîne de Radio Panique. Écoute, c'est cadeau sur Radio Panique. D'abord Radio Panique, après il y a les autres. C'est un peu le délire. Max, tu vas nous présenter le dernier morceau de cette émission, puisqu'il est 21h28. Ouais. Et après je ça, on conclue avec une chanson de Dan Hartman qui s'appelle Relight My Fire. Et là, c'est encore dans les années 70. Mm-hmm. Donc ici, j'ai bien donné dans les années 70. Elle date de 1979. Et je l'ai découverte en écoutant un live de Bon Entendeur, le duo français qui faisait un live. Et ils ont passé cette chanson-là et j'ai trop kiffé, quoi. Donc voilà, ça s'appelle Relight My Fire. Et même que les Take That, le groupe des années 90, l'a repris. Robbie Williams l'a repris avec version un peu évidemment boys band. Mais là, c'est l'original et on s'écoute Relight My Fire. Le Memento saison 5 épisode 4, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve sur Spotify dans la catégorie podcast et surtout dans un mois pour un autre épisode All Star avec plein d'amis. Yes. Pour une émission spéciale beauf, on vous l'a dit, ça va être bien. Yes, ne ratez pas ça. Oh, oui. Oh, il y aura du micro allumé pendant les musiques. On va chanter, on va avoir des sons, on va faire des blagues. Ça va être... Ça va être fou, ça va être bien, ne ratez pas ça. On se retrouve donc le 27 février pour l'émission Beauf. Passez une bonne soirée sur Radio Panique. Merci les gars, c'était très cool. Merci à vous. Merci à vous. Juste après, ces réservoirs d'hommes, ils sont prêts. Passez une bonne soirée sur Radio Panique.